Fait qu'on a de l'insécurité jusque dans le fait qu'on a l'impression qu'on doit écouter notre double. Ça va loin, l'insécurité. Comme si l'homme était obligé d'écouter son double pour vivre. Mais c'est bon qu'on apprenne à l'écouter pour commencer à vivre. Après ça, quand on est bien habitué, après ça, tu n'as plus besoin de l'écouter. Mais au début, c'est bon qu'on apprenne à l'écouter. Mais un jour, tu n'as plus besoin de l'écouter. Il est fatigant. Il n'y a rien de plus fatigant qu'un double. Parce que c'est présent. Il n'y a rien de plus fatigant que la conscience. Tout le monde veut de la conscience. Vous n'aurez plein de cul de la conscience un jour. Conscience, de la conscience, de la conscience, de la conscience. De la conscience. Mais on est obligé pendant un certain nombre d'années d'employer des mots pour définir des états, pour amplifier la résonance dans notre mental de certaines conditions psychologiques qui font de nous des êtres qui sont incapables de réaliser ce qu'ils doivent et peuvent faire dans le matériel. Donc, on est obligé constamment de réajuster nos pensées, notre façon de penser à notre vie constamment. C'est ça qui crée la dualité. On se check, puis on se double check, puis on se triple check. Il y en a qui passent le temps à se checker de leur nez. Suis-tu correct? Suis-tu pas correct? J'ai-tu fait une erreur? J'ai-tu pas fait près d'erreur? Puis un jour, mais quand t'as passé aux douanes, tu checkes plus. C'est bien fatigant la conscience. C'est énervant. Maudit que c'est fatigant. C'est parce qu'on pense que c'est bon qu'on en veut. Sacrement. Tu comprends qu'on était le premier, l'éther, puis l'immortalité, fait que... Ouais, donc. Écoute. Il y en a un qui est venu me voir, bon, c'est... Tu penses-tu que moi y arriver? Il dit, je sais pas. Je lui ai dit que... Il n'avait pas de cravate. On rit bien, hein? Comme moi, je ris bien. Je ris bien par cause de la fusion. Je ris bien. Je peux même me permettre de rire. J'ai assez payé pour l'enfant de chienne. Mais n'empêche que je me projette, je me mets dans l'homme. Je me reprojette dans le passé comme vous autres vous êtes. Puis, sais-tu que c'est pas drôle? Comment ça veut dire? Je vous comprends. C'est pour ça que je suis patient. Et tout. Comment ça? C'était frais. On vit des vies doubles. On vit planétairement, puis un petit peu plus cosmiquement, planétairement, puis un petit peu plus cosmiquement, puis planétairement, puis un petit peu plus cosmiquement. Fatiguant, maudit, ça. T'sais, pendant des années de temps, des années de temps, des années de temps. Quand ça se tasse, tu commences à prendre des breaks. Oui, la vieille Moultine, comme tout le monde. Tu mets ta cravate. Y en a-tu parmi nous autres qui sont écœurés de la conscience, de cette affaire-là? Y en a-tu parmi nous autres qui sont? Toi, tu n'as plein de casse. Y en a qui sont pas écœurés, y en veulent. Docteur Arbeck, Monique, t'as dit que dans 20 ans, y en veulent. Tu sais, y a différents mondes. C'est intéressant. Toi, t'es écœuré, t'es écœuré. C'est bien intéressant. J'aimerais savoir un gros tableau, puis je m'agrève vos noms, puis je vous dirais celui qui est plus écœuré, puis vous donnerai des pourcentages. Sacré. Ouais, toi, tu n'as pas mal plein de casse. Il y en a encore 3-4 ans à travailler, c'est tout. C'est pour ça que, dans un sens, c'est pour ça que je vous dis, essayez de comprendre ce que je vous dis quand je dis. Détachez-vous psychologiquement de vos insécurités puis de votre agressivité, vous souffrirez moins de conscience. Vous souffrirez moins de conscience. On arrête de souffrir de conscience quand on commence à développer et à créer notre propre psychologie. Il faut que l'homme crée sa propre psychologie qui lui sied bien. À ce moment-là, tu n'en souffres plus de conscience. Tu fais ce que tu veux, puis tu fais ce que tu peux, puis si c'est passé, tu l'ajustes, puis éventuellement, tu fais ce que tu veux. Il faut que tu en arrives à faire ce que tu veux. Il faut que l'homme en arrive à faire ce qu'il veut, sans conseiller tout le monde. Fais ce qu'il veut. Là, de la conscience. Tu l'es conscient. C'est-tu fatiguant, ce maudit mot-là? On n'est pas capable de dire un crisse de mots sans parler de conscience. On n'est pas capable de parler de quelque chose sans parler de conscience. C'est ça. Ça tombe ses nerfs. Il y a du monde qui me dit « Je t'écœurerai de t'entendre parler de conscience. » Je dis « Je te comprends. » Eux autres, là-bas. Ça n'est fatigant. Heureusement qu'on est conscient vibratoirement qu'on... que c'est vibratoire. C'est avec l'énergie. T'sais, le climat vibratoire. La vibration. C'est avec l'énergie qui intéresse plein encore. C'est ça, c'est le fun de l'énergie. Hein? Le fun de l'énergie qui nous tient. Sans ça, si tu tombes dans la forme de la conscience de l'énergie, ça Il y en a un à soir qui me demande, il dit, j'ai reçu une lettre. Est-ce que vous avez reçu des lettres de la belle là, pour la formation d'un centre maintenant? Bon. Il dit, c'est-tu derrière ça, cette affaire-là? Parce que ça ne va pas. J'ai expliqué. J'ai expliqué qu'il faut qu'on ait une place un jour pour qu'on puisse s'amuser, jouer au pool, comprends-tu? Jouer au pool, jouer au bridge, jouer à l'argent, mettre ton 50$ à la table, tu sais, jouer à un club privé, pas toujours la conscience, puis la conscience. Moi, j'ai joué au pool avec lui, j'ai perdu 300$, le grand, là. Puis que, comment est-ce qu'il s'appelle? Qui c'est qui était là? Alain. André Chalin. Puis qui c'est l'autre? Le Chalin en arrière. On a joué au pool, tu penses qu'on a parlé de conscience? Hey, les femmes étaient là, puis étaient toutes énervées. Elle a checké pour son mari, la mienne a checké pour moi, l'autre a checké, elle paniquait. Puis Chalin, lui, qui avait des sueurs parce qu'il n'y avait pas grand argent. On a passé une veillée au bout. Au bout. Moi, j'ai perdu 300$. Lui, c'était mon partner, il a perdu aussi. J'ai dit, il faut qu'on parle, puis donne l'autre la chance de gagner, parce que lui, il a moins d'argent que nous autres. L'autre est à côté. Lui, il pensait qu'on était gagné. J'ai dit, on va perdre, tu sais. On a perdu. Sacrément. Le doigt Chalin, les sueurs. Deux semaines après, il était voir à l'hôpital, il s'est fait arranger la barbe, la peau, tout à côté. Comment ça? Hey. Bon, on a eu du fun ce soir-là. Mais c'est clair de faire ça dans un lobby d'hôtel. J'ai hâte qu'on fasse ça chez nous. Ça devient maladif, la conscience. Et, on parle du fun ensemble, là. Vous autres, vous pensez que je suis où dans la conscience? Pas où dans la conscience? Jour 4. Faut s'amuser un jour. Sans ça, on va finir comme des moineaux. Mais c'est pas tout le monde parmi les 2000 qui sont prêts à s'amuser. Mais ceux qui sont prêts à s'amuser, vont s'amuser. Les autres, ils viendront après. Chacun son timing. Mais c'est dur de... C'est dur de détruire la polarité de l'homme cosmique, puis la conscience, puis l'homme planétaire. On n'est pas capable. dans l'un, puis on essaie de voir l'autre, puis on n'est pas capable de... C'est pour ça que c'est important, les sports, puis les jeux, puis s'amuser. Bien important, ça fait partie de ta conscience. Vous riez, vous autres. Hein? Un jour, après un certain nombre d'années de chercher à la conscience, vous viendrez bien quelque part. Vous jouez aux cartes, vous amusez, jouez aux poules, parlez d'autres choses. Regardez bien ce que vous dites là. Regardez bien ce que vous dites là. C'est nouveau, là. Un jour, vous voudrez bien un petit peu astraliser votre intelligence. Du play chess, yo? Bon? Chess. Du play chess? Il y a un play chess. Qui c'est qui joue aux échecs? Y a-t-il quelqu'un qui joue aux échecs? Qui joue aux échecs? Qui c'est qui joue au pool? Y a-t-il qui joue au pool? Qui c'est qui boit du scotch? Qui c'est qui boit du vin? La bière? Champagne. Moi, je vais vous faire rire. Je veux faire éventuellement un key club. Tu sais, un key club. Pas avec des go-go girls, mais un key club. Que chacun a sa clé. Un key club. Puis quand tu t'en vas là, tu relaxes. En fin de semaine, tu veux te reposer. Un key club. Tu joues au pot, tu veux parler. Tu veux parler de conscience. Tu veux parler de conscience. Il y en a qui veulent parler de conscience. Mais tu peux relaxer. Un club privé, il y en a de le monde. Il y en a des clubs privés. Pourquoi est-ce que nous autres, on n'aura pas un club privé? Ça, je vais faire. Vous allez voir que je vais le faire anyway. On va vous screener avant de rentrer dedans. Man. Rentrer dedans, parler de conscience, vos rêves, le wow. Pour s'amuser, cette affaire-là. En tout cas, c'est le fun de venir à Sherbrooke. Je m'ai gardé un petit trou. Je suis fatigué de parler, moi. Qui c'est qui vous intéresse, vous autres, de savoir? Hein? Qui c'est qui vous intéresse de savoir, vous autres? L'actualisation. L'actualisation? Ok, je vais partir de cette vibration-là. L'actualisation de votre conscience, autrement dit, l'actualisation de vous-même en dehors de l'insécurité ou en dehors de l'agressivité, elle va venir au fur et à mesure que vous allez prendre, que vous allez réaliser que vous allez souffrir cette condition-là. Autrement dit, moi, je vous dis, je vous explique, les événements viennent et ça crée une réflexion en vous. Une réflexion. Puis éventuellement, ça crée une pression. Puis éventuellement, vous n'avez pas de bol. Éventuellement, votre vibration change. Éventuellement, la volonté devient plus grande. Puis éventuellement, là, la volonté force. C'est comme si la volonté est forcée de descendre. Tu sais, quand je dis, quand tu n'auras le bol, c'est à ce moment-là que vous commencez à actualiser. Il faut que vous viviez de la crise pour qu'elle se forme de l'actualisation. Vous ne pouvez pas vivre l'actualisation de votre double sans que vous en arriviez un jour à vivre une crise quelconque. Il faut que vous viviez de la crise. Parce que la crise, c'est la rupture. du voile astral entre vous en tant qu'homme planétaire et vous en tant qu'homme cosmique. Il y a un voile là. Fait, un jour, le voile, qui peut être fait d'insécurité ou qui peut être fait d'agressivité, il faut qu'il brise ce voile-là. L'événement viendra qui servira à la rupture de ce voile-là. À ce moment-là, vous commencerez à vivre, actualiser, à vous actualiser. En attendant, vous êtes obligé de la souffrir, cette affaire-là. Mais comme vous en savez trop, vous ne pouvez pas la souffrir indéfiniment. Un jour ou l'autre, il faut que l'œuf pète. Et on va poser la trame qu'on soit acculé au pied du mur pour actualiser, qu'on soit le monomètre intelligent un peu, tu m'as fait tout de suite. Oui, ça c'est bien intéressant, mais ça se passe pas de même. Ça se passe pas de même parce que c'est un phénomène d'énergie, c'est pas un phénomène psychologique, c'est pas un phénomène de bonne volonté. C'est pas un phénomène de bonne volonté, c'est un phénomène d'énergie. Le double fonctionne par énergisation. L'être planétaire fonctionne psychologiquement, pas le double. Fait que je vous comprends, mais ça marche pas de même. Moi, je veux savoir que quand les Russes viennent ici au Canada, qui bat les Canadiens, les Nordiques et la gang, ouais. Pourquoi ça m'écarte? Et qu'est-ce que ça veut dire pour le long, immense? Ça, c'est bien intéressant, cette question-là. Il y a trois raisons pourquoi ça t'écarte. La première raison, c'est parce que ton niveau de conscience englobe le fait historique de la Russie sur le plan du sport, puis la politique, puis toute la patente, tu sais. Bon. Et ton niveau de conscience, ta conscience, ton double, ton intelligence, te fait savoir vibratoirement quelque chose que tu peux pas comprendre ou l'interpréter parce qu'il y a pas assez d'informations qui viennent. Mais tu vibres ça. Bon. Deuxièmement, ça crée une sorte d'agressivité. Autrement dit, ça te fait vibrer en de telle sorte que émotivement et mentalement, tu n'aimes pas cette situation-là parce que ton intelligence, ton double, te fait savoir encore, vibratoirement, pas au niveau d'explication, que la Russie emploie toutes sortes de trucs pour toujours promouvoir son idéologie à travers des aspects, des activités qui semblent extrêmement banales comme le hockey. Ça, c'est l'autre aspect. Le troisième aspect, ça fait partie de ta souffrance pour t'arriver à amener à être neutre. Ça, les Russes, ils travaillent tout le temps. Tout le temps. Les Russes font rien pour rien, ils sont comme moi. Ils travaillent tout le temps. Tout le temps. La Russie, quand je parle des Russes, je parle du Politburo, je parle pas du peuple. C'est un peuple extraordinaire, le peuple russe. Mais l'organisme politique, là, papa, là, tout sert. Très intelligent, les Russes. Politiquement, c'est un des peuples les plus intelligents de la Terre. Très intelligent. Puis nous autres, on est très naïfs. Fait qu'on se fait constamment. Moi, je pourrais te répondre de la même façon. Quand les Russes viennent ici et qu'ils battent les Canadiens, ça me fend le cul. Mais je m'implique pas dans l'expérience. Mais c'est pas le fait qu'ils battent les Canadiens qui me fend. C'est toute la patente en arrière qui me fend. C'est ça. C'est la patente en arrière. C'est pas le fait qu'ils battent les Canadiens. Les Canadiens partent plus loin, moi, ça ne change pas grand-chose dans ma vie. Mais le fait, toute la psychologie politique derrière le sport, tu sais, quand une nation comme la Russie qui triche aux Jeux olympiques, qui triche, ou qui détruisent les athlètes en les bourrant de pilules, comprends-tu, puis la petite fille, 2-3 ans plus tard, elle a l'air de 40 ans quand elle en avait 19, fais-moi pas de Russie. Je déteste, je haïs la Russie. Pas de peur. Ce qu'elle représente idéologiquement, je haïs. Je vous dirai des choses concernant ma vie vis-à-vis de la Russie. Je haïs la Russie. C'est pour ça que j'étais tellement verbose à la télévision, à conférence de Glenn avant-hier, c'est pas quand. Quand je parlais de la France, qui se prostitue. que c'est que tu veux? Ça fait partie de l'expérience interne de l'âme. C'est pour ça que j'insiste tellement pour que les gens comprennent d'en arriver à se dissocier, de se dissocier du social. Vivre en fonction du social. Trouver un équilibre en fonction du social, ceux qui ont besoin, ainsi de suite, travailler, ainsi de suite, qu'un échange, un social qui fait leur affaire, mais de se dissocier émotivement et mentalement du social. Parce que le social est en train aujourd'hui d'appauvrir tellement l'humanité que dans 10, 15, 20 ans, l'homme, tu sais, voilà 20 ans, après la guerre, il y avait un essor. Les hommes pensaient de refaire quelque chose, refonder l'aviation, les automobiles, la médecine, la technologie, ainsi de suite. Il y avait comme un... Tu sais? Mais là, plus ça va... Ça, c'est le plan politique, il y a le plan technologique. On est à la fin d'un cycle de civilisation. Fait que les hommes qui sont moindrement sensibles dans le monde, qui sont moindrement conscients dans le monde, s'ils n'en arrivent pas à se former leur propre psychologie qui est le produit de l'investissement dans leur psychisme, de l'énergie du double, ces gens-là, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, vont être totalement découragés. C'est là les suicides, les patentes. Les dépressions, les maladies, and what not. Puis ça, c'est individuellement qu'on le réalise. Individuellement. Moi, je vais vous dire une chose, je suis content seulement pour une chose de faire ce que je fais. Rien que pour une chose. Le fait de pouvoir le faire. C'est la seule raison. Je suis content de pouvoir le faire. Pendant le temps que je choisis. Je suis content de pouvoir le faire. Je suis content qu'il y ait sur la terre un homme qui puisse le faire, si t'as pas moins que ce soit un autre, mais que ça se fasse. Ça, je suis content que ça se fasse, ça, à la fin du cycle. Que ce soit moi ou un autre, pas important. Mais que ça se fasse, ça, je suis content. Parce que la situation mondiale est pas rôle. Puis vous la voyez du plan physique, la situation mondiale, vous la voyez pas des autres plans. Est pas rôle. C'est ça que je comprends des gens qui sont agressifs vis-à-vis des agences ou des organisations ou des mouvements quelconques, que ce soit les unions ou c'est ça. Je les comprends. Mais perdez pas votre énergie. Soyez assez intelligent pour vous retirer psychiquement. Quand je parlais d'un séminaire, de l'isolation psychique de l'homme, c'est essentiel, l'isolation psychique de l'homme. La construction de sa propre psychologie, totalement fermée sur lui-même, en fonction harmonieuse avec ceux avec lesquels il veut bien, lui, trafiquer. L'homme doit apprendre aujourd'hui à survivre demain. L'homme doit apprendre aujourd'hui. C'est pas demain que vous allez apprendre à survivre. C'est pas en 1998, pas en 1992. C'est aujourd'hui qu'il faut que vous appreniez à survivre. Parce qu'apprendre à survivre, c'est pas psychologique, c'est vibratoire. C'est intelligence. C'est l'infusion de l'intelligence du double dans la personnalité de l'homme planétaire. C'est aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, vous souffrez, c'est normal. On souffre tout le monde a souffert, c'est normal. Mais au moins, ça nous ouvre les portes pour demain. Si vous ne souffrez pas aujourd'hui, vous souffrirez demain. Mais ce sera une autre sorte de souffrance. Ce ne sera pas la souffrance pareille. L'homme doit découvrir, s'inventer, se créer une psychologie qui est conforme à lui-même, mentalement, émotivement. Il ne faut pas gagner l'insécurité pour ça. Quand ça se produit qu'il y a un dénivellement du terrain politique, du terrain économique, à quelque niveau que ce soit, dans n'importe quel pays que ce soit, vous ne serez jamais affecté par ça. Mais les souffrances des enfants de lumière, je déteste ce mot-là, les souffrances des enfants de lumière, comme on le parle d'un texte, c'est ça. On les vit, ces souffrances-là. Elles sont nécessaires. Elles sont bonnes, elles sont grandes, elles sont belles. Des belles souffrances. Pourquoi? Parce qu'on les comprend. Quand tu comprends ta souffrance, c'est correct, éventuellement, tu n'en souffres plus. Mais si tu ne comprends pas ta souffrance, tu es foutu. T'imagines Croteau qui est tombé sur la tête s'il ne comprenait pas sa souffrance, comment est-ce qu'il serait pris psychologiquement? Le fait qu'il ait dit qu'il y aurait un accident, déjà, ça lui a fait comprendre sa souffrance. Il faut qu'on comprenne notre souffrance. Et si on comprend notre souffrance, à ce moment-là, le double, crée l'énergie qu'on a de besoin dans la mentale, l'émotionnel, vital et physique. C'est le double qui nous tient. Le double nous tient. Le double est capable de tenir tout là. Que tu aies le cancer, le double est capable d'éliminer le cancer. C'est vibratoire. Mais si tu n'as pas de conscience de ton double, tu vas vivre ton cancer. Alors, tout est dans notre intelligence, tout est dans notre clarté, tout est dans notre vision interne. Ce qu'on appelle notre conscience. Tout est là, absolument tout. Fait qu'à ce moment-là, qu'il se passe n'importe quoi. Moi, si je voyais pas les choses comme je les vois puis comme je les comprends, je dirais, mais qu'est-ce que je fais? Je suis dans un petit pays comme la province de Québec, je fais de l'instruction d'un petit pays comme la province de Québec, quand il y a tout un monde, des milliards d'habitants qui ont besoin de savoir ce que je dis, là, je me casserai la tête, comment ça va se faire? Je perds mon temps. C'est pour ça que c'est si important pour nous autres de disposer éventuellement de notre maudite insécurité et de notre agressivité, mais je parle d'insécurité parce que c'est plus répandu, de disposer de l'insécurité. Il faut qu'on la voie. Il faut qu'on voie quand notre insécurité crée de l'agressivité. Il faut qu'on le voie. Si on ne le voit pas, on ne pourra jamais être dans notre intelligence. On ne pourra jamais être bien, bien en paix. Bientôt, Croto puis Gisèle et Petit, ils vont commencer ensemble, on va voir comment ça va aller. Puis si ça va bien, ça va continuer. Si ça va pas bien, ça va arrêter. Mais si ça va bien, au moins ça va me permettre de commencer à structurer le mouvement de l'énergie vers un certain nombre de personnes. Pour créer des structures que même moi aujourd'hui je peux pas connaître parce que faut pas que je les parle. Mais l'intelligence est subtile. Moi, il faut que j'arrête de parler en public parce que faut que j'écrive. Faut qu'il y en ait d'autres qui continuent. Puis j'ai pas fini d'écrire, puis j'ai pas fini de parler par l'écriture. Fait faut que ça sorte le matériel de la phrase. Québec, dans le nord de Québec, dans le bout de Québec, dans le nord de province. J'aimerais ça qu'il y ait des gens qui allaient là pour parler au monde, là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un vide, là. Je ne pouvais pas y aller, c'est trop loin. N'oubliez jamais qu'on est à l'aube de l'intelligence. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. On est à l'aube de l'intelligence. Il faut que les gens en arrivent à pouvoir être suffisamment calmes en eux pour contrôler l'énergie de l'insécurité et de l'agressivité. Il faut être calme. Le calme, c'est le produit du contrôle de l'une ou de l'autre. Bien important, le calme en dedans. Le calme en dedans, c'est la tension entre le double puis l'homme planétaire, la tension. À ce moment-là, t'es bien. C'est une sorte de calme particulier. Il n'y a rien qui se passe ni dans le camp d'insécurité ni dans le camp d'agressivité. C'est un calme. Là, vous la sentez, votre intelligence. Vous êtes dedans, vous la parlez, vous l'activez, vous la réalisez. Mais le facteur de temps est très important là-dedans, le temps. Là, je vous dis, c'est du temps que vous souffrirez. Le temps, la patience, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas vous faire sauter vos insécurités tout d'un coup. Vous arrêtez votre agressivité tout d'un coup. Il y a un temps. L'actualisation, comme le jeune homme parlait, l'actualisation de notre intelligence, quand est-ce que ça vient? Ça vient dans le temps du double. Ça fait partie de l'intérêt vital. On ne peut pas actualiser notre intelligence avant le temps. On peut sentir, on peut savoir, on peut parler à un certain niveau, mais on ne peut pas actualiser notre intelligence avant le temps. L'intelligence, c'est un pouvoir. Non, on l'actualise selon les conditions qui nous sont favorables, qui sont favorables à la situation à l'intérieur de laquelle on vit. On veut être intelligent, mais on ne peut pas être intelligent avant le temps. Ça fait partie du double. C'est pas psychologique l'intelligence. On paye le prix pour. On paye le prix pour notre intelligence. On le paye. On le paye assez cher pour s'empêcher de vouloir le payer plus cher. D'autres choses, vous voulez savoir? Oui. Quoi? Ça fait partie de créer sa propre psychologie. Ça fait partie de ça, ouais. C'est avec la colère que vous créez votre psychologie. La colère intérieure, c'est le ciment de votre psychologie. C'est comme ça que vous la créez, que vous détruisez l'insécurité ou que vous restreignez l'agressivité. Pardon? Que vous en arrivez à empêcher que la souffrance soit possible. Pour empêcher que la souffrance soit possible, vous soyez intelligent. Ça veut dire que faut que vous puissiez faire descendre cette énergie-là pour contrecarrer les événements qui vous font souffrir, et ainsi de suite. Ça fait partie de la création de votre psychologie. La colère, c'est le ciment de la psychologie réelle de l'homme. Si vous n'êtes pas capable de vous fâcher, vous n'êtes pas capable d'être intelligent. C'est impossible.